Parce que t'es beau, Fernand. T'en as un chouette de costume, dis. J'ai un costume blanc avec le chapeau blanc et les chaussures adéquates. Ouais, adéquates à quoi? À ma nouvelle profession. Qu'est-ce que tu fais maintenant, dis? Je fais du racket. En quoi que ça consiste, ça, le racket? Tu sais pas ce que c'est que le racket? Pourtant facile à comprendre, je sais pas, tu vas chez n'importe qui, un particulier, un commerçant de préférence. Moi, quelqu'un qui a un étal, tu lui dis, t'as une tête qui me revient pas, toi. Alors, j'ai décidé de te mettre à l'amende. Alors, tu vas me donner tout de suite 1 million, ou sinon, je casse tout. Alors, le gars, il tremble, il blanchit, il part en courant, il va chercher 1 million, quoi. Et il te donne 1 million, là? Ah oui, 1 million, tout de suite, 1 million, 2 millions, 3 millions, de la monnaie, ce qu'on veut, n'importe quoi. C'est pratique, ça, dis donc. Oh, je le ferais bien, moi. Ah oui, mais faut avoir de l'autorité dans la voix, tu comprends? Ah, oui, faut pas arriver. C'est qu'il est le patron, c'est bon. Attends, tu comprends? Là, il marche. C'est chouette, on paye pas d'impôts, ni de sécurité sociale. C'est une blague. Bon, c'est un nouveau boulot, bon. Quoi, le racket. Ouais. Et il y a longtemps que tu fais ça, toi? Le racket? Oui. Ah, non, moi, je débute ce soir, moi. Bon. Je vais dans un petit cabaret, là. Alors après, je te donnerai quelques conseils, hein? Oh oui, dis, je voudrais bien. Je te dirai comment que ça s'est passé. C'est qu'il est le patron? Alors on faisait dodo sous le comptoir? J'ai appris par des amis que t'étais pas très correct. Tu remplissais pas les verres, tu payais pas les assurances sociales du plongeur. Alors ça nous a vexés, puis moi ça m'a crispé. Alors j'ai dit, ce monsieur, faut qu'on le mette à l'amende. On voulait te demander 5 millions au départ, et puis t'as une bonne tête de cave. Tu vas me donner 1 million et ça suffira. Non. Répète encore un peu une fois non, parce que moi ça me fait marrer quand on me dit non. Non. Je sens qu'il va y avoir attraction. Tu sais qui je suis, moi je suis le roi du racket. Quoi que j'ai qu'à siffler, comme ça. Attends une seconde, hein. Hop, tous mes potes arrivent. Hop, moi tout seul, je prends le bar. Je le fous en l'air. Mais donne-moi une brique tout de suite, avant que je m'énerve. Non. Tu veux pas me les donner? Non. Tu veux pas me les donner? Non. Bravo, tu me fais plaisir. T'es du milieu, moi aussi. On est fait pour s'entendre. On va partager la poire en deux. Donne-moi 500 000 balles et je t'arrange le coup. Non. Naïf que tu es. Est-ce que tu sais que s'il y a d'autres racketteurs qui viennent te trouver, tu m'appelles, moi. Et c'est moi qui te protégerai des autres racketteurs. Si tu me donnes 300 000 balles. Non. Comment, en une minute, je perds 700 000 balles et... Au lieu de me dire merci, tu me dis non? T'es un dur, bravo. Je m'attendais pas ça de toi. Je te félicite. Je te fais une prime. 105, c'est mon dernier prix. Et pense que pour 100 000 francs, tu seras protégé par moi. Je te protégerai. Qu'est-ce qui t'est passé? Lumière. Je pensais pas que t'étais si grand. Enfin, je te protégerai. Tu me protégeras. On se protégera tous les deux, quoi. Si tu me donnes 50 000 balles. Pour rigoler, quoi. Non. Sois chouette, quoi. Allez, allez. Débute dans le racket, quoi. Il faut aider les débutants, non? Allez, donne-moi 35. Non. Oh, tu es dur, quoi. Alors, de 5 millions, je passe à 15 000. Allez, donne-moi 15 000 balles. 10 000, allez, 10 000. Non plus. Oh. Tu sais que c'est pas cher, un racket à 5 000 balles? Non. Oh. Ah, c'est pas plus méchant que t'es pas, hein. 1 000 balles, quoi. Bon, non. Pour payer le taxi, donne-moi 500 balles. Non. C'est dur, on vit une époque, mon pote, dis donc. On sait plus quoi faire comme boulot. Donne-moi 300 balles, quoi, pour m'acheter un sandwich, non? Non. Moi, 100 balles? Non. Un ticket de métro. Non. Donne-moi un quart d'eau minérale. Oui. Tu veux me le donner, le quart d'eau minérale? Oui, oui, oui. Hey, tu savais bien que tu finirais par me donner quelque chose. Dans le racket, pour votre autorité. Si on n'a pas d'autorité, on est fiché. Non. Non, mais ça va pas. Et maintenant, le fric. Pourquoi tu m'as foutu l'eau sur la figure? La fric. Quel fric? De l'eau minérale. Non, mais t'es pas malade. Mais où est-ce que tu vas, dis? Tu sais qui je suis, moi? Allez, allez. Dis, tu sais qui je suis, moi? T'as pas fini, oh. Faut que je paye mes cartes médias. Tu sais qui je suis, le roi du racket, moi? C'est de la veine que je suis dans mon bonjour, hein. Sinon, si je m'énervais, mon pote, je prends le et fous le camp. Il m'a piqué 10 000 balles, et fous le camp. Eh ben, ma monnaie. Il m'a piqué 10 000 francs, et ma monnaie. Allez. Oh, ma monnaie. Tu sais ce que t'es? Tu veux que je dise ce que t'es? T'es un voleur.